la canaillot très jolie. Et si nandima aux avrais chéris. Kasi tala bolingo esili. L'écolo ya bouzoba ya jalousie. Balo baka koswana nandako ya libala. Et chaka mungwa pe piripiri na bolingo. Toko miko vanda na kati yandako. Loko la combattant na kolabo. Nani azana raison, nani azana tort. Zambe na likolo, alimbi sabiso. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais parce pas. Parce qu'on ne se comprend pas. Oh. Quand je décide de me taire, ça ne te convient pas. Oh. Quand tu me dis ce que je dois faire, moi ça ne me va pas. Hey, hey. Je dis non, je dis non. Tu dis oui, tu dis oui. Je dis oui, tu dis oui. Je dis non. Oh, oh salakanayo, cordon bleu. Et pas une ayonde nakuta saveur ya bolingo. Est-ce que ton zaba aveugle le colaba casque bleu? Pour banana biso bangonde, ba blessé de guerre. Tous à kaka qu'observer, tout mon akate. On veut la paix, mais on se fait la guerre. Tout comme il convanda nanda koya libala. Lokola ba député, nakati assemblée. Nanyas en opposition, nani majorité. Zambé na likolo, ah, limbisa biso. Alimbi sabiso, alimbi sabiso. Quand je décide de me taire, ça ne te convient pas. Quand tu me dis ce que je dois faire, ça ne me va pas. Je te dis non, je dis non. Tu me dis oui, tu dis oui. T'es quoi ça? Je dis oui, oh, oh. Tu dis non. Maintenant tout le monde en parle, tout le monde s'en mêle. Nos enfants en pleurent, se demandent où est leur père. Es-tu la chair de ma chair, l'os de mes os ou le centre de mes problèmes? Je ne sais plus quoi faire. Quoi faire? Parce qu'on ne se comprend pas. Comprends pas. Quand je décide de me taire, ça ne te convient ça pas. Ça ne te convient pas. Ce que je dois faire, moi ça ne me va pas. Quand tu me parles, je dis non. Je te dis non. Tu dis oui. Quand je ne veux pas, je dis oui. Et toi tu veux, je dis non. Oh, oh. Je dis non. Que dois-je faire, je dis oui. Dis-moi un peu, je dis oui. Dois-je m'en aller, je dis non. Oh, oh.